إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui on est au cours 21 dans la série des dourous de العقيدة الواسطية du Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah avec l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan et aujourd'hui on est arrivé à l'explication du hadith qui affirme l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et le chapitre c'est إثبات الرجل والقدم الرجل والقدم لله سبحانه d'affirmer la jambe et le pied à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rentrer dans ça, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite introduction dans un point qui est très important et ça clarifie certaines choses au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et en particulier des attributs ici. Et le Cheikh il dit, ça c'est tiré du livre qui s'appelle « As'ila wa ajwiba an al-aqidati al-wasitiyya » écrit par le Cheikh Abdel Aziz Al-Muhammad Al-Salman. Donc ce Cheikh il a écrit ce livre là, il a écrit beaucoup d'autres livres aussi, mais ça c'est un de ses bons livres, mashallah. Et il y a une question dans son livre qui est la question numéro 206, à la page 147, il dit « Al-Mudafu ilallah naw'an » donc qu'est-ce qu'on associe à Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a deux catégories. Ok, donc là, il pose une question, mais en même temps, nous, qu'est-ce qui nous intéresse plus ici, c'est la réponse du chef, et non pas la question. Toutefois, la question, c'est بين نوعي المضاف إلى الله واذكر أمثلة توضح ذلك. Donc, la réponse du chef, c'est, c'est-à-dire, mentionne deux catégories de choses qu'on associe à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens qu'on dit associé ici, on parle de al-idafa. Qu'est-ce qu'on dit par association? En fait, c'est pas associé comme dans le shirk. On parle de associé plutôt attribué. Al-mudaf ilallah. Le mot que j'ai trouvé pour dire mudaf en arabe, en français, c'est peut-être, disons, attribué. Ou qu'est-ce qui est relié à al-mudaf ilallah. Ici, le chef dit Al-Mudaf ilallah naw'an. A'yan qa'imatun binafsiha ka baytillah wa naqatullah wa abdullah wa ruhullah. Fahadihi idafatuha ilallah taqtadi l'ikhtisas wa tashrif. Wa hiya min jumlatil makhlouqat lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Naw'u al-Thani sifatun la taqumu binafsiha ka'ilmillah wa hayatihi وقدرته وعزته وسمعه وبصره ويده وإرادته وكلامه ووجهه ونفسه ويده وقدمه وجميع صفاته يعني. فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. Donc le Cheikh qu'est-ce qu'il explique ici, il explique qu'il y a deux choses, il y a deux catégories de choses qu'on attribue ou qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des créatures et il y a des attributs. Et ça, c'est très important de faire la différence entre les deux. Et on va savoir pourquoi dans quelques instants, inshallah. Donc, parmi les choses qu'on attribue à Allah et qui font partie de ses créatures, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hein, qui font partie de ses créatures, on compte par exemple, quand on dit Baytullah, quand on parle des mosquées, on dit Baytullah, la maison d'Allah, ok, ou bien Naqatullah, la chamelle d'Allah, hein, que Allah avait envoyé à Thamoud, Abdullah, hein, le serviteur d'Allah, ou bien Ruhullah. Quand on affirme ces choses-là à Allah, et quand on les attribue à Allah, c'est dans le sens qu'on attribue une créature à son créateur. C'est-à-dire, ces choses-là sont créées par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala se les attribue de cette façon-là pour les honorer, pour montrer l'honneur qu'elle a auprès de lui, hein. Pour montrer que, en réalité, toutes les maisons qui sont sur terre sont à Allah, parce que tout lui appartient. Mais il spécifie, par exemple, une maison en particulier dans le sens. Par exemple, Al-Ka'ba, Baytullah. Pourquoi? Parce que c'est pour l'honorer, pour montrer qu'elle a une place spécifique et spéciale, particulière par rapport aux autres maisons. D'accord? Ou bien Naqatullah. C'est pas n'importe quelle Naqa. C'est celle-là, celle que Allah avait envoyée à ce peuple-là de Samoud pour les tester. Ou bien Ruhullah. Quand Allah parle de Isa, il dit Ruhullah. Hein? Pourquoi? Parce que c'est une créature d'Allah. Tous les âmes sont à Allah. C'est Allah qui les a toutes créées. Toutefois, celle-là, celle de l'âme que Allah a créée, Isa, quand il l'a créée, eh ben, elle est particulière, il l'attribue à lui-même dans le but de l'honorer et de montrer ça, qu'est-ce qu'elle a de spécifique. C'est-à-dire que c'est un parmi les plus grands prophètes et serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est des exemples de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même, mais qui font partie de ses créatures. Et il y a une autre catégorie de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'attribue à lui-même, qui sont ses attributs lui-même, ses qualités à lui et ses attributs. Ok? Et on donne des exemples, par exemple, quand on dit « ilmullah », la connaissance d'Allah, hein, et « hayatullah », la vie d'Allah, hein, « qudratullah », la puissance d'Allah, « sam'ullah », l'ouïe, hein, d'Allah, et « basarullah », la vue d'Allah, « yadullah », la main d'Allah, iradatullah, la volonté d'Allah, kalamullah, wajhullah, le visage d'Allah, la main d'Allah, hein. Donc, ça, c'est des attributs qu'Allah se donne et qui font partie, yani, de ses caractéristiques, de ses attributs personnels, dans le sens que, ça fait partie de lui-même. Ok? Et dans ce cas-là, quand il s'attribue ces choses-là, c'est pour montrer que c'est ses caractéristiques à lui, c'est ses attributs, et que ça fait partie de lui. D'accord? Donc, ça c'est très important de faire la distinction entre ces deux choses-là, parce que, yani, il est arrivé parfois certains mélanges parmi les gens de Bédard. Par exemple, les Mu'tazila, ils ont mis toutes ces choses-là dans une seule catégorie. Les Mu'tazila, ils ont dit, tout ça, ça fait partie des créatures. Hein? Donc quand ils disent « Ruhullah »,« Abdullah »,« Naqatullah », ils disent « oui, ça fait partie des créatures d'Allah ». Mais quand ils disent « Kalamullah »,« Ilmullah » et les autres attributs, ils disent « ça aussi, ça fait partie des créatures, Allah les a créés, c'est pas ses attributs ». Et d'un autre extrême, il y a un autre groupe de bid'a, de gens de bid'a, qui ont tout mis dans les attributs d'Allah, et pour dire que ça fait toute partie d'Allah. Comme par exemple, certains parmi les soufis, alaykum salam wa rahmatullah, certains parmi les soufis qui croient en wahdat al-wujud, ils disent qu'il n'y a pas de distinction entre la créature et le créateur. Tout fait partie du créateur. Donc, il n'y a pas de différence entre Allah et la création. Tout est Allah. Donc, quand Allah dit Ruhullah, Abdullah, c'est la même chose que s'il dit Ilmullah, Basarullah, Kalamullah. Tout ça, ça fait partie des attributs d'Allah. Donc, ils mélangent la création et le créateur ensemble. Hein? Et ça, c'est, il n'y a pas de doute que ça, c'est une forme de shirk. Donc, nous, c'est important de faire la distinction entre ces deux choses-là. Et les gens de Bid'a, parfois, ils mélangent entre ces deux-là. Et une des méthodes, ou une des règles que les ulama ont établi pour distinguer entre ces deux choses-là, quand est-ce que c'est une attribut, quand est-ce que c'est une créature, eh bien, c'est de regarder, est-ce que cette chose-là, elle existe toute seule. Ok? Donc, par exemple, Naqatullah, ou bien Baytullah, ça, ça existe toute seule, une maison, ça existe une chamelle toute seule, mais un ilm, est-ce que ça existe toute seule? Une irada, est-ce que ça existe toute seule? Est-ce que ça flotte dans l'air? Non. Hein? Basar, est-ce que ça existe toute seule? Non. Donc ça, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Yadullah, Basarullah, Kalamullah, Ilmullah, Iradatullah, Wajhullah, tout ça, ça fait partie de ces attributs. D'accord? Et le cheikh, donc, il a expliqué ça ici. Il dit, وَكَذَلِكَ مَا أَخْبَرَ أَنَّهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ أَعْيَانًا كَرُوحٌ مِنْهُ قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهذه منه خلقا وتقديرا. Donc des fois aussi Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il fait, il dit par exemple هذا, يعني par exemple il dit جميعا منه ou bien يعني روح منه, un esprit venant de lui, ou bien tout ce qu'il a créé ça vient de lui, dans le sens que il l'a créé et il l'a destiné, il l'a déterminé, hein, il l'a proportionné. Et yani donc, tandis que parfois il dit Tanzilul Kitabi min Allah. Donc il parle parfois du livre, hein, du Coran, et il dit que ça vient de lui. Ce livre-là vient de lui. Mais dans ce sens-là, c'est ça vient de lui dans le sens que c'est, ça fait partie de ses attributs puisque c'est sa parole. D'accord ? ولهذا وإن كان ذلك أوصافا كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله دل على أن ذلك من صفاته لامتناع قيام الصفة بنفسها. La parole ça peut pas tenir tout ça dans les airs. Donc il faut que ça soit que ça fasse partie des attributs de quelqu'un ou de quelque chose, ça vient de quelqu'un. Et ça c'est, ça fait partie des attributs et non des créatures. Et il dit ولهذا لما اهتدى السلف لهذا الفرق الذي يحصل به الفرقان بين الحق والباطل هدوا إلى صراط المستقيم. Et donc, étant donné que les salaf ont fait cette distinction-là, eh bien, ils ont réussi à trouver le discernement qui distingue entre le mensonge et la vérité, et qui guide vers, ils ont été guidés donc vers le droit chemin. Et puis, ils mentionnent un poème de An-Nuniyya, de l'imam Ibn Qayyim, un de ses poèmes qu'il a écrit pour défendre la aqida de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et yani c'est un des poèmes qu'on appelle An-Nuniyya, et il a 6000 vers, et c'est un des livres les plus puissants de l'imam Ibn Qayyim dans la récitation des gens de Bida. Yani. Donc je vais pas le lire, mais puis, donc c'est ça le point que je voulais mentionner aujourd'hui. Puis, il y a un autre, il y a une autre explication de ça ici par le Cheikh Ibn Taymiyyah, que je voulais mentionner. Il dit, Cheikh al-Islam, dans son livre, Al-Jawab al-Sahih, l'Iman Baddala Din al-Masih, dans sa réfutation aux chrétiens, il dit, فَلَيْسَ فِي مُجَرَّدَ الْإِضَافَةِ ما يستلزم أن يكون المضاف إليه صفة له بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى بيت الله وناقة الله وعباد الله بل وكذلك روح الله عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام الله وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة له. Donc ici il mentionne Ibn Taymiyyah que c'est pas tout ce qui est attribué ou qui est relié à Allah subhanahu wa ta'ala que ça signifie que c'est une de ses attributs. Hein? Il y en a des choses qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de ce qu'on appelle al-a'yan al-makhluqa, c'est-à-dire des créatures qui existent par elles-mêmes. Hein? Dans le sens que c'est Allah qui les a créées et elles existent par elles-mêmes et donc celle-là, elle ne font pas partie des attributs d'Allah, et ça, toutes les créatures sont d'accord là-dessus, tous les gens sont d'accord là-dessus, dans le sens que quand on dit Baytullah, on sait très bien que Al-Bayt, ça ne fait pas partie des attributs d'Allah, non plus Naqatullah, ça ne fait pas partie des attributs d'Allah, de même que Ibadullah ou bien Ruhullah, d'accord. Et ça, tous les imams et tous les salafs parmi les musulmans sont tous d'accord là-dessus. Mais si on attribue quelque chose à Allah qui fait partie de ses attributs, hein, et qui ne peut pas exister par lui-même, hein, et dans ce cas-là, on dit que ça c'est son attribut, comme la parole d'Allah, la connaissance d'Allah, la main d'Allah, etc. D'accord? Donc ça, ça va nous aider à comprendre le reste des choses qui suivent. Et c'est l'attribution donc de Al-Rijl et Al-Qadam lillah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il mentionne, Ibn Taymiyyah il mentionne le hadith suivant, il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tazalu jahannam yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu هل من مزيد فصلنا صورة قاف الله سبحانه وتعالى il va, on va demander à l'enfer est-ce que tu t'es rempli, est-ce que ça y est t'es rempli, et l'enfer va répondre est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y en a encore, c'est-à-dire il y a encore de la place. Donc dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les gens vont, l'empire va, l'enfer va continuer à se remplir, il y a toujours des gens qui vont continuer à être jetés dans l'enfer jusqu'à ce qu'elle demande est-ce qu'il y en a encore, hatta yada'a rabbu al-izza fiha rijlah wa fi riwayatin 'alayha qadamah fayanzawi ba'daha ila ba'd fa taqulu qat qat, muttafaq alayh. Donc qu'est-ce qui arrive quand l'enfer commence à dire hal min mazid, est-ce qu'il y en a plus, alors qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait? Allah subhanahu wa ta'ala, il met sa jambe, ou il met son pied, dans une autre narration, il met son pied sur l'enfer, et elle s'écrase sur elle-même, okay, elle se rétrécit sur elle-même, et elle dit, c'est suffisant, ça suffit, hein, et ça c'est muttafaqun alayh, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith, il dit قوله لا تزال جهنم اسم جهنم اسم من أسماء النار قيل سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لظلماتها من الجهومة وهي الظلمة. Donc يعني جهنم ça fait partie des noms parmi les noms de l'enfer, et يعني on dit qu'on l'a appelé comme ça à cause de à cause de comment elle est loin, comment elle est large, quelque chose comme ça, et comment elle est sombre, elle est ténébreuse, elle est à cause de Abdulma, ça vient de Juhuma. Et après, il dit Yulqa fiha, c'est-à-dire, il y a toujours du monde qui vont être jetés dedans, et Yutrahu fiha ahluha. Wahiya taqul hal min mazid, et tatlubu ziyada لسعتها وقد وعدها الله أن يملأها. الله سبحانه وتعالى أبخمي كلا لغامبليغ لانفير ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Donc c'est ça, الله سبحانه وتعالى il avait déjà promis qu'il allait remplir l'enfer avec les djinns et les êtres humains. Donc il devait remplir l'enfer, et donc elle demande, l'enfer demande, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'il y en a d'autres. Donc l'enfer demande, est-ce qu'il y en a plus, et Allah avait promis qu'il allait la remplir, حَتَّى يَضَعُ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رِجْلَةِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre sa jambe sur l'enfer. لَمَّا كَانَتِ النَّارِ فِي غَايَةِ الْكِبَرِ وَالسَّعَةِ وَقَدْ وَعَدَهَا اللَّهُ أن يملأها وكان مقتضى رحمته أن لا يعذب أحدا بغير جرم حقق وعده ووضع عليها رجله. Qu'est-ce qu'il dit ici le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre sa jambe sur le feu de l'enfer. Et étant donné que l'enfer est tellement grand, tellement large, c'est une créature immense parmi les créatures. Imaginez, le soleil et la lune rentrent dans l'enfer. Puis tout, qu'est-ce que les gens adoraient. Et puis il y a encore de la place pour les êtres humains, hein, et tout ce qui rentre dedans. Hein, parce que tout ce que les gens adoraient va rentrer dans l'enfer. Et il y a un hadith qui explique ça. Et donc les gens qui adoraient, le soleil va rentrer dans l'enfer. Et les gens qui adoraient le soleil vont le suivre. Et la lune rentre dans l'enfer. Et les gens qui adoraient la lune vont la suivre. Donc ça veut dire que c'est une créature immense. Et il y a un hadith même qui décrit que وَجِيَ يَوْمَ إِذٍ بِجَهَنَّمَ. Ce jour-là, on va amener l'enfer. Et le hadith qui décrit ça, je pense que ça décrit qu'il y aura comme 70 000 chaînes pour tirer l'enfer. Et sur chaque chaîne, il y a 70 000 anges. Donc, c'est pas une petite créature, Yanni. C'est une créature monstrueuse. Et elle respire et elle parle. Hein? C'est une créature vivante. Hein? Donc, on peut même pas l'imaginer. Hein? On peut même pas l'imaginer. Donc, cette créature-là, elle va dire, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore de la place? Alors, Yanni, Allah, il a promis qu'il va la remplir, comme on a dit tout à l'heure. Et ça fait partie de sa miséricorde, du fait que il avait promis qu'il n'allait pas mettre dedans personne, excepté pour un péché ou pour un crime qu'il avait promis, qu'il avait déjà dit qu'il allait punir. Donc il va pas mettre quelqu'un dans l'enfer juste pour la remplir, qui n'a pas fait de péché ou qui n'a pas commis de kufr ou de shirk. Il va juste mettre ceux qui ont mérité l'enfer dedans. Donc ça veut dire que au lieu de, yani, étant donné s'il y a encore de la place, il va pas mettre n'importe qui dedans, donc il met sa jambe sur l'enfer pour la remplir. Et qu'est-ce qui arrive une fois qu'il a mis son pied sur l'enfer? فَيَنْزَوِي بَعْدُهَا إِلَى بَعْضٍ أي يَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَيَتَلَاقَى أَطْرَافُهَا وَلَا يَبْقَى فِيهَا فَصْلٌ عَلَى أَهْلِهَا. Donc, quand il a mis son pied sur l'enfer, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ses côtés se collent ensemble, hein, et qu'est-ce qui arrive? C'est comme si elle se rétrécit sur elle-même, et il ne reste plus d'espace vide. Il y a seulement de l'espace pour les gens qui sont dedans. Par la suite. فَتَقُولُ قَدْ قَدْ يعني أي حَسْبِي يَكْفِينِي. Ça dit ça suffit, ça suffit. Hein? وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ فِيهِ إِثْبَاتُ الرِّجْلِ وَالْقَدَمِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ سُبْحَانَهُ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. Donc le chef dit, qu'est-ce qu'on veut prouver avec ce hadith? On veut prouver qu'on doit affirmer que Allah a une jambe et un pied, hein, d'une manière qui lui convient, subhanallah. Et que ça fait partie des attributs de son être, comme la main et le visage. Et, bien entendu, on ne doit pas, comme on a dit dans les cours précédents, essayer d'imaginer que comment est faite cette jambe. C'est interdit de demander le comment ou d'essayer de l'imaginer. Allah, il est comme il se connaît lui-même. Ok? وقد غلط في تفسير هذا الحديث المعطلة حيث قالوا قدمه نوع من الخلق وقالوا رجله جماعة من الناس والرد على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي كما قال في أول الحديث يلقى فيها وأيضا القدم لا يصح تفسيره بالقوم لا حقيقة ولا مجازا. Donc le cheikh il dit que parmi les gens de Bid'a, parmi les Mu'abtila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a qui ont dit que son pied c'est une sorte de créature, c'est pas son pied à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une créature et un groupe de personnes. Et la réfutation de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement que Allah va mettre son pied. Et il n'a pas dit qu'il allait jeter son pied ou jeter des gens enfin il a dit qu'il allait mettre son pied ou poser son pied sur l'enfer. Et donc c'est clair que leur ta'wil est ba'atil, et le chef il dit que on peut pas dire que le mot qadam, pied, ça signifie un groupe de personnes, ni dans la réalité et ni dans disons de façon symbolique. Ça n'existe pas dans la langue de dire le mot pied pour parler d'un groupe de personnes. D'accord? Donc ça c'est une façon, disons, simple de répondre à ces gens-là. Ensuite, il y a un autre attribut, un autre hadith que le Cheikh a mentionné, il dit « إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى ». Donc, c'est-à-dire d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut le fait qu'il appelle et qu'il a une voix et qu'il parle, il a la parole. Et ça, que ça fait partie de ses attributs. Le Cheikh dit قوله يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. Et ça aussi c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le Cheikh il a mentionné, Cheikh al-Islam il a mentionné deux hadiths pour prouver ce point là, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a la parole, il appelle, et il a une voix, et que ça fait partie de ses attributs. Et le hadith a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il va dire ô Adam, c'est-à-dire il va appeler Adam, ya Adam, il va dire ya Adam, et Adam va répondre la bayk wa sa'dik, c'est-à-dire je suis là, me voici, yani. Et il va l'appeler avec une voix, fayunadi bi sawtin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala va appeler avec une voix, et il va dire Allah te demande ou t'ordonne de faire sortir de tous tes fils, de tous tes descendants, un groupe pour l'enfer. Et ça c'est rapporté, et c'est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il n'y a pas un d'entre vous excepté que Allah va lui parler, et il n'y aura pas personne pour traduire entre lui et Allah. Donc chacun d'entre vous, Allah subhanahu wa ta'ala va lui parler. سَيُكَلِّمْهُ رَبُّهُ. Et لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانُ. C'est-à-dire il n'y aura pas de traducteur pour traduire entre toi et Allah. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Cheikh il explique maintenant. Il dit وَقَوْلُهُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ أَيْ أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَعَتِكَ وَأُلَبِّي بالمكان إذا أقام ومن ألب بالمكان إذا قام وهو منصوب على المصدر وسمي للتوكيد وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة أي مساعدة في طاعتك بعد مساعدة وقوله فينادي بكسر الدال والمنادي هو الله تعالى بصوت تأكيد لقوله ينادي لأن النداء لا يكون إلا بصوت وهذا كقوله تعالى وكلم موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما. Donc il dit ici لبيك وسعديك, il explique la signification de cette expression là, لبيك, c'est-à-dire je suis là dans ton obéissance, et il dit qu'on le dit la bayka deux fois, c'est la forme de duel. Pourquoi? Pour confirmer la signification. Wasa'dik, ça veut dire de l'aide. Et wahiya al-muta'a'a et musa'ada fi ta'atika. C'est-à-dire wasa'dik avec ton aide, avec je suis là, je suis ici dans ton obéissance avec ton aide. Et il le dit encore une fois sa'dik, dans le but de mettre plus de force, ou de tawkid. Après il dit Fayunadi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il va appeler avec une voix. Et la voix c'est, bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle. Et le cheikh il dit que avec une voix, quand le professeur Hassan dit qu'il va appeler avec une voix, ça c'est pour confirmer là, parce que déjà on sait que lorsque quelqu'un appelle, c'est toujours avec une voix. Donc quand il dit des sautes avec une voix, c'est pour confirmer, ok. Et après il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wa kallama Allahu Musa taklima, c'est-à-dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, dans ce verset-là, taklima, pardon, taklima, c'est pour confirmer le verbe kallama, hein, c'est-à-dire il va parler et Allah le confirme encore avec plus de force en disant taklima, c'est-à-dire il va parler, yani, يعني sans aucun, il lui a parlé sans aucun doute, يعني. وقوله بعثا إلى النار, البعث هو هنا بمعنى المبعوث الموجه إليها, بمعنى ذلك ميز يعني ذلك ميز أهل النار من غيرهم, c'est-à-dire Allah سبحانه وتعالى il a ordonné à Adam de distinguer ceux qui vont aller au paradis et ceux qui vont aller en enfer parmi ses descendants. Ça c'est l'explication du premier hadith. Et le cheikh dit wa shahid min al hadith anna fihi ithbat al qawl min Allah wa al nida bi sawt yusma wa anna dhalika sayahsul yawm al qiyamah fa fihi anna Allah yaqulu wa yunadi mata sha wa kama sha. Donc ça c'est pour prouver, ce hadith là c'est pour prouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il a la parole et il appelle également avec une voix qui est audible, on peut entendre, et que ça va arriver au jugement dernier. Et il y a également le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et il appelle quand il veut et comme il veut. Quand il veut et comme il veut. Wa qawluhu ma minkum min ahad al-khitabu lil-sahaba wa huwa 'amun min jami' al-mu'minin إلا سيكلمه ربه أي بلا واسطة ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان من يعبر بلغة عن لغة أي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى. C'est-à-dire, يعني il n'y a aucun d'entre vous, et ici le prophète s'adressait aux Sahaba, et c'est général pour tous les mu'minins, pour tous les croyants. Et il dit également, il n'y en a aucun d'entre vous, excepté que son Seigneur va lui parler sans aucun intermédiaire, il va lui parler sans traducteur. Okay? Et il explique que Turduman, c'est quelqu'un qui traduit une parole d'une langue à une autre. Exactement, comme moi. Imam Turduman al-Kalam. Donc le chef il dit, « Wa shahidu min al-hadith » أن فيه إثبات تكليم الله سبحانه لعباده وأنه سبحانه سيكلم إذا شاء فكلامه من صفاته الفعلية وأنه يكلم كل مؤمن يوم القيامة. Donc il dit la preuve qu'on veut tirer de ce hadith, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle à ses serviteurs et que il parle quand il veut. Ça fait partie de ses attributs, des attributs d'action, de ses actions. Et il va parler aux mu'minin au jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va parler aux croyants au jugement dernier. Et yani, ça c'est la preuve aussi contre les gens de Bid'a, comme les Asha'ira par exemple, qui font une différence entre la parole qui est nafsi et la parole qui est lafzi, et ils disent que la parole qu'on entend, ça s'est créé, et que la seule parole qui est la parole d'Allah, c'est la parole qui est intérieure d'Allah. Donc, il n'y a pas de preuve pour distinguer entre ces deux choses-là dans la langue arabe. Ok, si on dit al-qawl dans la langue arabe, ça implique automatiquement la parole qu'on entend et la parole qu'on dit dans son cœur. Sauf si on spécifie une parole dans notre cœur, ou bien etc. Mais sinon, ça implique automatiquement une parole qu'on entend. Donc, de dire une parole comme si al-kalam al-nafsi comme ça, et que quand Allah parle du kalam, al-kalam ou dans le Coran, quand il affirme la parole, que ça ne s'applique pas à la parole qu'on lit ou qu'on entend, mais uniquement à la parole, c'est-à-dire le sens de la parole qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on ne peut pas entendre, alors ça c'est une explication ou une nouvelle définition de la parole qui n'existe pas en réalité dans la langue arabe. Hein. Quand on dit la parole de quelqu'un, eh bien c'est clair que c'est quelque chose qu'on peut entendre. Une parole qu'on ne peut pas entendre, ça n'existe pas dans la langue. Ok? Donc on a expliqué ça plusieurs fois, Yannick. Et souvent, des fois même, il se base sur une poésie d'un poète chrétien, ou une poésie qui est attribuée à ce poète chrétien qui s'appelle Al-Ahtal. Il dit « إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما في الفؤاد دليلا » ou quelque chose comme ça. Il se base sur ce poème-là, ça dit « La parole c'est qu'est-ce qui est dans le cœur et la langue n'a pas été mise excepté que comme un témoin de ce qui est dans le cœur » ou quelque chose comme ça. Et ce poème-là, comme on a dit, premièrement c'est pas ils savent pas exactement de qui est-ce qu'il l'a dit. Et deuxièmement, certains ont dit c'est peut-être attribué à celui-là, à Al-Ahtal, et c'est un chrétien. Donc on ne peut pas se baser sur les paroles d'un poète chrétien pour essayer d'interpréter le Coran et la Sunna, et on laisse de côté les preuves claires du Coran et de la Sunna et des paroles des Sahaba et des Tabi'in, hein, pour la parole d'un poète chrétien. Donc, on va passer maintenant à une autre attribut qui est mentionnée dans les paroles du Cheikh Ibn Taymiyyah quand il cite des hadiths au sujet de l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de sa création. Donc il dit « Ithbatu ulouillahi ala khalqih wa istiwa'uhu ala arshih » d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est au-delà de son trône, au-dessus de son trône. Il dit قوله في رقية المريض ربنا أو ينبسط فتح حديث ضعيف جدا comme il a été déclaré par les muhaddithin, mais le cheikh il l'a mentionné. Toutefois, même s'il est ضعيف celui-là, il y en a plein d'autres qui sont mentionnés après qui sont صحيح, mais c'est juste comme استشهاد يعني, hein, même s'il est ضعيف. Des fois les ulama ils mentionnent des hadiths authentiques et après ils vont mentionner des hadiths qui sont moins authentiques ou qui sont pas authentiques, juste pour, comme témoin, pour supporter la preuve, même s'ils savent qu'il n'est pas authentique. Le hadith ça dit quoi? C'est un hadith à propos de la ruqya, de quelqu'un qui est malade. Ça dit « Rabbuna Allah alladhi fi as-samaa taqaddas ismuk » ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة منك من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. Donc, ça c'est un hadith, il est rapporté par Abu Dawood et d'autres. Toutefois, comme on a dit, il est zaïf jiddan. Et c'est un dua en fait. Ô notre Seigneur, celui qui est dans les cieux, que tes noms soient glorifiés ou sanctifiés, et ton commandement est dans les cieux et sur la terre, comme ta miséricorde est dans les cieux, fais que ta miséricorde soit sur la terre, pardonne-nous nos péchés, etc. Et tu es le Seigneur des bons, envoie sur nous ta miséricorde, une miséricorde parmi tes miséricordes et une guérison parmi tes guérisons, de ta guérison, et fais-la descendre sur cette blessure ou ce malaise pour qu'il guérisse, ou quelque chose comme ça. Et après il a mentionné comme un autre dalil, il dit « قَوْلُهُ أَلَا تَأْمَنُونِي » وأنا أمين من في السماء ne me faites-vous pas confiance alors que je suis celui yani, qui est Amin, alors que je suis Amin, je suis fiable auprès de celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire celui qui est dans les cieux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, il me considère comme étant une personne honnête et fiable. Alors n'allez-vous pas, vous aussi, me faire confiance, c'est-à-dire, si Allah m'a fait confiance, alors vous n'allez pas me faire confiance à votre tour. Et ça, c'est un hadith sahih, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a un autre hadith que le Cheikh a mentionné, c'est « وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ » Le Cheikh dit « Hadith Hassan rawahu Abu Dawood wa ghayri » Et en fait, ce hadith, c'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole de Ibn Mas'ud. Il est sahih. C'est une parole de rapport, c'est une parole d'un sahabi. C'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole d'un sahabi et il est sahih, mawquf. Donc, yani, c'est quand même une parole acceptable et sa signification est vraie. Après, le Cheikh il dit, wa qawluhu lil jariya, la parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la fille, à la jeune esclave, il lui a dit, Aina Allah, qalat fi sama, qala man ana, qalat anta rasulullah, qala i'tiqha fa innaha muslim, mu'mina, i'tiqha fa innaha mu'mina, rawahu muslim. Donc ça aussi c'est un hadith authentique, c'est l'histoire de la jeune fille esclave. Quand le professeur Hassan lui a demandé où est Allah, elle a répondu dans les cieux. Alors il a dit, le professeur Hassan a dit, qui suis-je, hein, et moi qui je suis, elle a dit, tu es le messager d'Allah. Alors le professeur Hassan a dit, libère-la car elle est une croyante, et c'est rapporté par Muslim. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique maintenant ces hadiths-là, et il dit, fi ruqyat al-marid, أي قراءة هذا القراءة على المريض طلبا لشفائه وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة وممنوعة إذا كانت بألفاظ شركية أو أعمال شركية وربما ربنا الله الذي في السماء أي على السماء إذا أريد بالسماء السماء المبنية ففي هنا بمعنى على كقوله تعالى فسيحوا في الأرض okay. يعني على الأرض وفي من سورة التوبة أي على الأرض ويجوز أن تكون في للظرفية على بابها ويكون المراد بالسماء مطلق العلو donc le Cheikh explique ici que dans la ruqya pour la personne qui est malade il dit que c'est permis de les réciter ce doua ou un doua pour quelqu'un qui est malade pour lui faire une ruqya, ok? Et yani, c'est permis uniquement si c'est tiré du Coran ou bien si c'est tiré d'un doua qui est permis dans la sunna et qui est des paroles qui sont en accord avec la charia. Toutefois, si ce sont des paroles qui ont du shirk dedans ou bien qui comportent des actions qui ont rapport avec le shirk, donc ça c'est حرام. Non mais il y a des bonnes paroles. Même si le hadith est daïf, ça ne veut pas dire que la signification n'est pas bonne. Hein? Mais le hadith est daïf, toutefois, si la signification est correcte, alhamdulillah, c'est juste pour dire que quand on dit que le hadith est daïf, on ne peut pas l'attribuer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, ça ne veut pas dire que la signification est fausse. Le hadith peut être daïf, mais la signification peut être vraie aussi. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, le hadith est daïf et la signification est fausse. Donc, il faut voir. Mais si la signification est vraie et le hadith est daïf, on peut le mentionner, sauf qu'on dit pas qala Rasulullah. Parce que si on dit qala Rasulullah, ça veut dire on attribue au prophète quelque chose qu'il n'a pas dit. Et ça fait partie du mensonge. Et donc on n'a pas le droit de dire ça dans ces cas-là. Ouais, quand la parole, le hadith, la signification est sahih, dans le sens qu'elle est supportée par d'autres hadiths, ou par des versets dans le Coran ou des choses de ce genre. D'accord? Et donc, comme je disais, si le ruqya est tiré des choses qui sont en accord avec la charia, c'est permis, sinon c'est pas permis. Et quand le prophète, dans ce hadith-là qui est daif, c'est écrit Rabbuna allazi fis sama, et c'est ça le shahid. C'est ça le shahid. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce le point de ça. Pourquoi le cheikh a mentionné, Ibn Taymiyyah a mentionné ce hadith ici, c'est quand on voit que c'est écrit Rabbuna allazi fis sama. Et c'est ça que c'est ça qu'il veut établir ici, que Rabbuna fis sama, notre Créateur, il est dans les cieux et il n'est pas partout, dans toutes choses, dans, avec par lui-même, comme les gens des mouchriquins essaient de dire qu'il est dans toutes choses, qu'il est mélangé avec la création. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Bon, c'est encore plus proche de l'islam. Dans ce cas-là, alhamdulillah. Ouais, ouais, ben. Hein. Alhamdulillah. Allah, il dit, Moussadziqan lima bayna yaday. Hein. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani Moussadziqan lima. Ma'akum min at-Tawrat wa al-Injil, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu confirmer qu'est-ce qu'il y avait dans les livres des prophètes précédents, et ils sont tous venus envoyés par le même Créateur. Donc, c'est normal qu'il y ait des choses en accord entre eux dans leur façon de prier, dans leur doua, des choses comme ça. Donc, quand il dit ici notre Seigneur qui est dans les cieux, le Cheikh il dit al-Sama, c'est-à-dire qu'on est dans les cieux. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est dans les nuages, des choses comme ça, mais qu'il est au-dessus des cieux. Ok? Parce que dans la langue arabe, quand on dit la fi, ça veut dire da. Toutefois, il est parfois utilisé avec la signification de sur ou au-dessus. Ok? Comme par exemple le verset que le cheikh a mentionné, le verset numéro 2 dans Surat Tawba. Fasihu fil arb, c'est-à-dire aller sur la terre. Est-ce que on va dire aller dans la terre? Est-ce que c'est écrit aller fasihu fil arb, hein, aller dans la terre? Mais la signification c'est aller sur la terre, bien entendu, parce que c'est une des façons dont on utilise fi dans la langue arabe. Et ensuite il dit. Ça, c'est dans le cas où on parle des cieux qui sont créés. Mais si on parle juste de As-Sama, إِذَا أُرِيدَ بِهِ As-Sama, يعني بِمَعْنَ الْعُلُو, dans ce cas-là, c'est général. Dans le sens, si tu dis par exemple As-Sama, ça veut dire au-dessus, en haut. Parce que quand tu dis par exemple, comme on a mentionné plusieurs fois, ونزلنا من السماء ماء. Allah سبحانه وتعالى dit qu'il fait descendre du ciel de l'eau, de la pluie. Mais la pluie tombe pas du ciel, mais des nuages. Hein? Donc, quand on utilise le mot sama en arabe, ça veut dire tout ce qui est au-dessus de ta tête. Ça veut, c'est un sama. Donc, on utilise le mot sama non seulement pour le ciel, mais également pour tout ce qui est en haut. On l'appelle sama. Et donc dans ce cas-là, quand on dit sama, ça voudrait dire qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Après il dit taqaddas ismuk, ay taqaddasat asma'uka an kulli naqsin, yani que tes noms soient purifiés de toute imperfection. Fa huwa fardun mudafun ya'ummu jami' asma'illah. Quand on dit que ton nom soit purifié de toute imperfection, ça implique tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. أمرك في السماء والأرض. Ton commandement est dans les cieux et sur la terre. أمرك الكون القدر الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث. C'est-à-dire, ton commandement est dans les cieux et sur la terre. C'est-à-dire, ton commandement par lequel tu as créé et tu as destiné et déterminé toutes choses, par lequel tu as créé les créatures. Il est dans les cieux et sur la terre. ومنه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. Quand on dit الأمر الكوني, c'est son commandement de sa création, parce qu'il dit كن فيكون. C'est pour ça qu'on dit كوني. الأمر الكوني. Ok. Quand il dit à quelque chose soit, ça y est. Ok. Ça c'est le verset 82 dans Surat Yasin. Et le chef dit وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده. Et aussi, son commandement, c'est aussi le commandement dans la révélation qu'il a envoyée à ses prophètes. Ok. Qu'il a légiféré pour ses serviteurs. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. هذا توسل إليه برحمته التي اشتملت أهل السماوات كلهم كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. هذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الإثم. ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضرب والحوب الإثم والخطايا وهي الذنوب والحوب. Donc le cheikh il dit ici que mets ta miséricorde comme ta miséricorde est dans les cieux, mets-la sur la terre également. Et ça c'est comme si tu demandes à Allah par sa miséricorde qui comprend les êtres des cieux, toutes les êtres qui habitent dans les cieux, comme les anges, comme tu as mis ta miséricorde dans les cieux, mais là également pour les gens qui vivent sur la terre. Et, donne-nous une portion de cette miséricorde-là, c'est-à-dire pardonne-nous, hein, aussi Allah dit, c'est écrit par la suite, pardonne-nous nos péchés. Et al-maghfira, quand on dit irfir lana, al-maghfira c'est quoi? C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir nos péchés, de les cacher et de nous protéger du péché également. Et également, on peut dire que ça vient le mot mirfar. Et le mot mirfar c'est quoi? C'est comme un casque. Quand on va à la guerre, on met un casque pour se protéger des coups sur la tête, et donc c'est de là que ça vient le mot marfira, du mot mirfar. Et donc, quand tu mets ce casque sur ta tête, ça te protège et ça te couvre des coups. Et al-hub qui est écrit ici, c'est le péché, wal-khataya, c'est les péchés, et al-ithm wal-khataya, c'est-à-dire c'est les péchés. Anta rabbu at-tayyibin. Ça c'est une autre forme de tawassul encore. On demande par les noms, par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des gens qui sont bons. وَالطَّيِّبِينَ جَمْعُ طَيِّبُ وَهُمْ النَّبِيُّونَ وَأَتْبَاعُهُمْ. Les gens qui sont bien, c'est qui? Ce sont les prophètes et ceux qui les suivent. وَإِضَافَةُ رُبُوبِيَتِهِ لِهَاؤُلَا إِضَافَةَ تَشْرِيفُ وَتَكْرِيمُ وَإِلَّا فَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Et le fait que on dit le maître ou le rab, le seigneur des bons, eh ben c'est juste pour les, comme une sorte, disons, d'honneur qu'on leur fait à ces gens-là, parce qu'en réalité, il est le seigneur de toutes les créatures, le maître de toutes les créatures. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le créateur des mécréants et le créateur des croyants, et le maître des croyants et le maître des mécréants. Sauf que quand il dit Rabbu at-tayyibin, c'est pour lui, c'est une forme d'honneur qu'il cherche à leur donner. Anzil rahmataka. Fais descendre ta miséricorde. Ay ar-rahma al-makhlouqa. Fa inna rahmatallah nawa'an. النوع الأول رحمته التي هي صفة من صفاته كما في قوله تعالى رحمتي وسعت كل شيء وهي سورة الأعراف النوع الثاني من سورة الأعراف والنوع الثاني وهي رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه كالمذكورة في هذه الآية وكما في حديث خلق الله 100 رحمة الحديث فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفي بها. Donc le cheikh il explique ici que quand on demande à Allah de faire descendre sa miséricorde, ici le cheikh dit que ça c'est la miséricorde qui crée, parce qu'il y a deux sortes de miséricorde, il y a deux sortes de rahma. Une rahma qui fait partie de son attribut, des attributs d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit rahmati wasi'at kulla shay, c'est-à-dire ma miséricorde a enveloppé toute chose. Et ça c'est le verset 156 dans Surat al-A'raf. Et il y a une autre sorte de rahma qui fait partie du fait qu'on attribue à Allah, dans le sens que c'est sa créature, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé sa miséricorde, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim et par At-Tirmidhi, que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé sa miséricorde. Et dans le hadith, ça dit qu'il a créé 100 miséricordes, avec une seule, il a pris une de ces miséricordes et il l'a mis sur la terre. Et les 99 autres sont pour dans le paradis, sont pour le paradis. Avec une seule miséricorde, ça suffit pour toutes les créatures et toutes les bêtes qui sont sur la terre. Et dans le hadith, ça dit qu'à cause de cette miséricorde, l'animal femelle elle a de la miséricorde pour son petit, hein. Et donc ça nous dit que si c'est cette miséricorde là qui fait vivre toutes les, dans le sens que c'est ça qui donne à toutes les créatures leur miséricorde dans ce monde, et qu'il y en a 100 autres, qu'il y en a 99 autres, ben ça nous montre que on n'a rien vu encore de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les 99 autres miséricordes seront pour les mu'minines dans le paradis. Hein? Donc on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre cette miséricorde sur son serviteur qui est malade lorsqu'il en a besoin et qu'il veut être guéri. Le chef dit wa shahidu min al-hadith anna fihi ithbatu al-'ulu lillah ta'ala وأنه في السماء والعلو صفة ذاتية كما سبق، كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته، ثم في الحديث طلب المغفرة من الله وشفاء المرض. الشيخ الذكر، qu'est-ce qu'on veut prouver par ce hadith? On veut prouver que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus des cieux, au-dessus de sa création, hein, dans les cieux, dans al-ulu, c'est-à-dire qu'il est au-delà, dans les hauteurs, au-dessus de toute création. Et que c'est une de ses attributs, des attributs de son être. Ok? Et, le chef dit donc dans ce hadith, il y a une demande. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala en le glorifiant par ses attributs de seigneurie, de souveraineté, de rububiyya, et du fait que c'est lui seul qui est al-ilah, celui qui mérite d'être adoré, et on le purifie et on l'élève, et on demande son commandement et sa miséricorde. Et on demande également le pardon et la guérison de la maladie. Après, le cheikh dit wa qawluhu صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال، وألا أداة استفتاح وتنبيه، تأمنوني من الأمانة وهي عدم المحاباة والخيانة أي ألا تأمنوني في قسمة المال وأنا أمين من في السماء وهو الله وقد ائتمنني على وحيه ورسالته وتبليغ شرعه وكفى بذلك شهادة على أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'allez-vous pas me faire confiance, étant donné qu'Allah m'a fait confiance, celui qui est dans les cieux, hein? Donc, ça c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un qui s'est opposé à sa division du butin, lorsqu'il a distribué le butin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette personne-là, yani, ne vas-tu pas me faire confiance, alors que Allah m'a fait confiance. Et donc, al-amana en arabe, c'est de ne pas tromper et de ne pas trahir, hein, d'être honnête, c'est ça l'amana. Et donc, ne vas-tu pas me faire confiance dans la division des biens, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est dans les cieux, il m'a fait confiance pour sa révélation et transmettre son message et sa révélation et ses ordres. Donc ça c'est encore bien plus important et bien plus grand que de distribuer des biens. Et s'il m'a fait confiance pour ces choses-là, toi tu vas pas me faire confiance, hein? Donc ça fait réfléchir. Et donc ça c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait confiance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission de son message. Déjà ça c'est le plus grand témoignage de son honnêteté et de sa véracité, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Après le cheikh dit, والشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله سبحانه حيث قال من في السماء وسبق شرح الجملة قريبا. Donc on veut prouver par ce hadith là que Allah est au-dessus de sa création, parce qu'il a dit man fi s-sama, c'est-à-dire celui qui est dans les cieux. Et on a déjà expliqué cette partie là auparavant, déjà dans le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure. وقوله والعرش فوق ذلك تقدم تفسير العرش. On a déjà expliqué le trône, العرش, qu'est-ce que ça signifie. Ça c'est dans la parole de Ibn Mas'ud. وقوله فوق ذلك, que le trône est au-dessus de ça, c'est-à-dire فوق المخلوقات, c'est-à-dire il y a les sept cieux, puis le trône est au-dessus de ça, au-dessus des autres créatures. التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماوات بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء وكثف كل سماء وكثف كل سماء والبحر الذي فوق السماء السابع وما بين أسفله وأعلاه وما فوق ذلك البحر من الأعمال الثمانية من الأوعال الثمانية العظيمة ثم فوق ذلك العرش. Donc le cheikh il explique que yani entre la terre et le trône il y a toutes les cieux et toutes les créatures qu'il y a yani entre les deux, et il mentionne des exemples de ça dans le hadith. Et puis après il dit wallahu fawqa al-arsh, et après il dit et Allah est au-dessus du trône, c'est-à-dire qu'il est mustawin alayhi istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa huwa ya'lamu wa antum ma antum alayhi bi 'ilmihi al-muhit alladhi la yakhfa alayhi shay. C'est-à-dire que lui Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de ce trône, et donc il est élevé au-dessus de ce trône comme cela convient à sa majesté, et il sait qu'est-ce que vous faites et il sait dans quel état vous êtes, parce qu'il a une connaissance de tout, et sa connaissance enveloppe toute chose, et il n'y a rien qui lui échappe ou qui lui est caché. والشاهد من الحديث إثبات علو الله على عرشه وأن عرشه فوق المخلوقات كلها وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. Donc on veut prouver par ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et que son trône est au-dessus des créatures, de toutes les créatures, et que la connaissance d'Allah enveloppe toutes nos actions, et que rien ne lui est caché parmi nos actions, et nos paroles également. وقوله للجارية أي أمت معاوية بن الحكم حينما غضب عليها سيدها معاوية فلطمها ثم ندم وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفلا أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جئني بها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله وفيه دليل على جواز السؤال عن الله بأين قالت في السماء أي الله سبحانه وتعالى في السماء وتقدم تفسير هذه الكلمة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا سألها عن اعتقادها فيه قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرت له بالرسالة قال صلى الله عليه وسلم لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة وفيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن وأن العتق يشترط له الإيمان Donc, le cheikh dit que ça, l'histoire de la jeune esclave, c'est une histoire à cause de l'esclave de Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam, c'est un des sahaba, il avait un troupeau de moutons, et il avait laissé ses moutons avec cette jeune esclave pour aller brouter de l'herbe, quelque chose, pâtre, quelque chose. Et elle en a perdu un. Il y a un loup qui en a mangé un, donc il s'est fâché et il l'a giflé au visage. Et ça c'est haram. On n'a pas le droit de gifler personne au visage. Même un animal, on n'a pas le droit de frapper au visage. Donc, étant donné qu'il a fait ça, il a eu un remords. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, est-ce que je ne devrais pas la libérer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amène-la moi. Et elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, où est Allah? Et le cheikh il dit qu'il y a une preuve dans ça, qu'on a le droit de demander où, à propos d'Allah. Parce que les gens de Bid'a, comme les Asha'ara, parmi eux les Ahbash et d'autres, ils disent que c'est interdit de demander où à propos d'Allah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé où est Allah. Et la jeune esclave a répondu, c'est Sama. Alors, yani, c'est la question et la réponse. Les deux sont là. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux, comme on a expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifie, dans les cieux. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم البروفيس صلى الله عليه وسلم ensuite demandé qui suis-je et elle a répondu tu es le messager d'Allah donc elle a affirmé qu'il a un message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à son maître au maître de cette esclave libère-la car elle est croyante donc le cheikh il dit qu'il y a dans ça la preuve que celui qui dit par exemple, qui témoigne de ça, il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il est mu'min. Celui qui a dit oui, Allah est dans les cieux et tu es le messager d'Allah, ça veut dire qu'il est mu'min. Hein? Il a compris qui est Allah. Il a compris que c'est pas les idoles qui sont créées par les hommes, mais c'est que Allah qui est dans les cieux. Hein? Et donc, c'est ça le but de la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cet esclave. Et ça prouve en même temps que cette esclave-là, d'où elle a appris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'écoutais un cheikh al-Albani, rahimahullah, il dit subhanallah, une jeune esclave, hein, elle a pas étudié dans les universités, elle a pas eu des diplômes ou des doctorats. Hein, tandis qu'aujourd'hui, tu vas poser un certain doctorat, yani, de l'Azhar ou d'autres, ouais, Allah, ils ne peuvent pas répondre la réponse de cette jeune esclave, hein. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une tazkiya, qui lui a dit, hiya mu'mina, elle est croyante. Hein? Donc elle est plus savante que certains d'aujourd'hui qui ont des diplômes, doctorats, et dans les grandes universités, soi-disant, qu'on dit islamiques, mais qui en réalité parfois supportent ou enseignent des formes de choses qui sont contraires à la sunna, hein, et à la aqidah, hein, qui est correcte. Hein? Donc on voit là, Donc clairement, comme Cheikh Al-Albani a expliqué, que yani, alhamdoulilah, cette jeune esclave, elle a passé le test, elle a bien répondu à la question, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné au sujet de sa parole, que c'était une parole correcte et qu'elle était une croyante. Si elle avait répondu d'une façon qui est incorrecte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait corrigé. Il lui aurait dit, non, c'est pas correct, qu'est-ce que tu dis? Mais il n'a rien dit de ça, au contraire, il a confirmé ce qu'elle a dit, et il a dit, c'est une mu'mina, c'est une croyante. Donc, on doit l'accepter et croire en la même chose que ce que ce hadith-là a affirmé. Et le cheikh, il dit également que ça, ce hadith-là prouve que, comme condition pour qu'on puisse libérer un esclave, c'est qu'il doit être mu'min, il doit croire en l'islam. Et les esclaves en passant, il n'y en a plus dans cette époque. Parce que il n'y a pas d'esclaves s'il n'y a pas de combat ou de djihad. Mais djihad, disons, officiel et légal. D'accord? Donc, parce que les esclaves sont pris de haut. C'est pas des gens qu'on kidnappe, là, comme dans certains pays, là. On kidnappe des petits enfants, puis on dit, ce sont des esclaves. Je m'excuse. Hein, on s'en va là, dans les pays, certains pays, là, il y a des gens qui font ça. Ils vont, ils attrapent des petits-enfants, ils disent ça c'est nos esclaves. Non, c'est pas ça des esclaves. Ou bien d'autres qui prennent des femmes de ménage, ils les amènent des pays pauvres et puis ils disent ça c'est des esclaves. Non, c'est pas ça des esclaves. Elles sont pas, les esclaves c'est uniquement ceux qui sont prisonniers dans la guerre. Ceux-là c'est des esclaves. Mais s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de djihad déclaré officiellement par un dirigeant musulman qui le déclare et qui le fait selon les règles de l'islam, hein, pour élever la parole d'en bas. Dans ce cas, il n'y a pas de djihad et il n'y a pas d'esclave, sauf si ça ne respecte pas ces conditions-là. Hein. Le cheikh dit, « Wa shahidu min al-hadith, anna fihi dalilan ala anou allahi, ala khalqih, fauq samawatihi, وأنه يشار إليه في جهة العلو إشارة حسية. Donc la preuve qu'on veut tirer de ce hadith, c'est que il y a la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, hein, au-dessus des cieux, et qu'on a le droit d'indiquer qu'il est au-dessus en montrant, en pointant même avec le doigt si on veut, il n'y a pas de problème. Et il y a des preuves de ça dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, hein, il indiquait, hein, quand il parlait d'Allah, il pointait le ciel. Et dans Khutbatul Hajj, Hajj al-Wada, il parlait aux Sahaba et il disait, Antum masouluna anni, famada antum qa'ilun. Et il pointait, et puis après ça, il dit, Allahumma fashhad. Hein, il disait, et là, il disait, oui, et là, il pointait vers le ciel, il disait, Allahumma fashhad. Donc, il pointait vers le ciel, et il disait, oh Allah, sois témoin que j'ai transmis le message. Donc, ça, on va terminer avec ça aujourd'hui, hein, le dars d'aujourd'hui, puis on va continuer la semaine prochaine, inshallah, avec d'autres points en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais m'arrêter ici. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.